Hier soir, Vichy a sauvé mon âme avec cette chanson. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, j'en profite pour vous rappeler l'acronyme. C'est l'Association pour la taxation des transactions financières et actions citoyennes au Québec. Alors, vous venez d'entendre la chanson de 1990 de Jean Leloup, que vous avez bien sûr reconnue. Et cette chanson a été écrite lors de la première guerre du Golfe en Irak. Donc, même si ça fait depuis 1992... Alors, vous voyez que cette chanson est quand même d'actualité. Alors, le lien à faire avec le prochain sujet, évidemment, la Libye. Alors, vous savez, depuis la mi-mars, une coalition de pays regroupant, entre autres, les États-Unis, la France ou encore l'Angleterre. Donc, cette coalition-là mène une campagne de bombardement sur la Libye pour soutenir les insurgés qui se sont rebellés contre la dictature du colonel Kadhafi. Alors, cette nouvelle guerre menée par l'OTAN dans un pays arabe soulève évidemment de nombreuses questions et les débats n'ont pas épargné globalement la gauche elle-même, que ce soit en Europe ou ici en Amérique du Nord. Pour évoquer certains de ces débats, on est rejoint par Cédric Leterme, notre fidèle réalisateur et chroniqueur assidu. Bonsoir Cédric. Bonsoir Alaïe. Alors merci d'être là et de retour. Ça fait quand même quelques temps qu'on t'a pas entendu. Mais ça avec plaisir. Alors Cédric, comme toute campagne de bombardement menée par l'OTAN, il y a évidemment des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Ouais. Alors à l'inverse de ce qu'on a pu observer par exemple dans le cas de la guerre en Irak, où l'ensemble de la gauche était pratiquement unanime pour la condamner. Ici, la question de savoir s'il fallait ou non soutenir l'intervention militaire en Libye a divisé jusque dans les rangs la gauche elle-même. Ouais, tout à fait. Mais et d'ailleurs, la discussion est loin d'être close quant à savoir s'il fallait y aller ou pas en Libye. Donc, c'est un peu pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que c'est effectivement des questions qui sont vraiment pas faciles, ces genres d'enjeux où c'est difficile d'avoir une position tranchée. Hein. Les choses sont rarement noires ou blanches dans la vie, a fortiori dans des questions aussi complexes que ça. Effectivement. Mais là, ça a vraiment suscité des débats extrêmement animés, que ce soit sur différents forums de médias alternatifs, que ce soit aussi à l'intérieur d'organes politiques ou militants, ou même par médias interposés. Il y a certaines grandes figures de la pensée critique, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, qui se sont exprimés là-dessus, qui se sont répondus parfois aussi de manière assez virulente. Donc je crois que c'est important de bien entendre d'abord tous les arguments pour pouvoir ensuite, chacun de nous, se faire sa propre opinion, mais c'est important vraiment d'entendre les arguments de tout le monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, allons-y. Alors, quelles sont les différentes positions qui sont défendues par rapport à la guerre en Libye? Donc, quels sont les arguments qui viennent la soutenir? Ouais. Bon, alors, on peut peut-être commencer par rappeler d'abord la position officielle, ce serait un bon début, qui est celle, évidemment, des pays qui participent à l'offensive et qui est reprise donc dans la résolution de l'ONU qui a autorisé les bombardements en Libye. Ce qui est important aussi de rappeler ce fait-là, c'est que c'est une guerre qui est légale, entre guillemets. Elle a été autorisée par une résolution de l'ONU, ce qui est une grosse différence par rapport à la guerre d'Irak de 2003 qui, elle, s'était faite en dehors du cadre de l'ONU. Donc ça la rend pas plus légitime ou plus morale, celle-ci, mais enfin si, ça la rend un petit peu plus morale et légitime, bon, même si on peut quand même continuer de s'opposer, c'est quand même une grosse différence qu'il faut souligner. Alors les pays comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre, donc qui font partie de ces coalitions-là, justifient l'intervention en disant que la répression brutale qui a été employée par Kadhafi face au mouvement de contestation interne auquel il devait faire face, bon, dans la lignée de toutes les révolutions qui agite pour l'instant le monde arabe. Cette répression-là était tellement brutale que ça en devenait inadmissible. Et donc, l'argument, c'était qu'il fallait absolument intervenir en Libye pour protéger les populations civiles. Alors, c'est le fameux droit d'ingérence humanitaire? Exactement. C'est le droit d'ingérence humanitaire qu'on a déjà invoqué au Kosovo, pour ceux qui s'en souviennent, par exemple. Et d'après ce droit-là, un État serait autorisé à intervenir militairement dans un autre État pour des raisons humanitaires. Il faut savoir que normalement l'ONU ne peut autoriser le recours à la force contre un autre État que s'il y a une menace pour la paix mondiale. Donc s'il y a une menace de conflit entre deux États, l'ONU normalement n'a pas le droit d'intervenir de son propre chef dans une situation interne à un État. Donc il y a beaucoup de juristes qui estiment que ce droit d'ingérence humanitaire n'existe pas en fait. Il respecte absolument pas la charte de l'ONU et en plus on lui reproche surtout d'être beaucoup trop vague, c'est-à-dire que on sait pas très bien qui est censé dire quand on peut intervenir, sur quels critères, qui a le droit d'intervenir, pour quelles raisons, etc. Donc ça ouvre la porte évidemment à toutes sortes d'abus, puisque finalement un droit aussi vague autorise tout le monde à s'en réclamer pour justifier une intervention armée dans l'un ou l'autre pays. C'est-à-dire que la Chine, par exemple, pourrait dire « je ne suis pas satisfaite de la façon dont les Russes traitent leur population à l'intérieur, je vais intervenir militairement chez eux en vertu de ce droit-là ». Donc on voit qu'il y a quand même un gros problème. Donc ça peut être pervers un peu, ouais, le droit d'ingérence humanitaire. Alors, mais c'est quand même un des principaux arguments qu'on entend contre cette guerre. Donc si on intervient en Libye, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas aussi au tu me corrigeras si je prononce pas bien, le Berry, le Barème, Barème, ouais. Voilà, au Yémen, mm-hmm. ou en Syrie. Donc là aussi, là actuellement, les populations civiles sont victimes d'une répression féroce de la part des autorités en place. Oui, exactement, et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles personne ou pratiquement personne à gauche ne peut croire sérieusement aux raisons qui sont invoquées par les membres de la coalition pour justifier l'intervention en Libye. On retrouve, bon, à titre d'exemple, on retrouve dans cette coalition le Qatar, qui au moment où il soutient soi-disant la démocratie en Libye, envoie des troupes au Bahreïn, cette fois pour aider à mater la révolte qui est en train de prendre place. Je t'interromps, mm-hmm. qu'est-ce que c'est pour les auditeurs, juste rappeler, qu'est-ce que c'est le Qatar? Le Qatar, c'est un pays qu'on appelle du Golfe, hein, c'est un pays des Émirats, quoi. Donc c'est un pays qui jouxte l'Arabie Saoudite, etc., dans tous ces coins-là. Donc il est voisin du Bahreïn et il a participé à une coalition suite à l'appel des autorités du Bahreïn qui faisait face au même genre de révolte qui agite, hein, tout le monde arabe. Et donc le Qatar est intervenu aux côtés de l'Arabie Saoudite dans le Bahreïn pour mater la révolte, au même moment où, soi-disant, il se joignait à la coalition pour aider les insurgés libyens. Donc on voit bien qu'il y a une grosse contradiction rien que dans les pays qui participent à cette coalition. Mais on peut prendre aussi d'autres exemples qui sont peut-être plus parlants, hein. La France et les États-Unis, qui mènent un petit peu cette offensive-là, ont été, eux, plus que réticents face aux révolutions tunisiennes et égyptiennes. On se souvient de la réaction de la France qui, en pleine révolution tunisienne, proposait à Ben Ali le savoir-faire de ses forces de l'ordre pour l'aider à mater la révolte. Donc c'est un peu limite. Les États-Unis n'ont pas à rougir non plus à ce niveau-là, parce qu'ils ont aussi plus qu'ambigus, hein, jusqu'à la dernière minute en ce qui concerne la situation égyptienne. Mmh. Et là, tout d'un coup, ces deux pays-là se font les champions des droits de l'homme en Libye, alors que jusque-là, ils avaient absolument aucun problème avec Kadhafi. C'est d'ailleurs la France qui lui a vendu la plupart de ses armes avec lesquelles ils se battent contre ces mêmes Français à l'heure actuelle. La situation est vraiment absurde. Donc une chose est sûre, ce serait vraiment naïf de penser que nos dirigeants se seraient tout d'un coup transformés en valeureux défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Oh, dommage. Ouais, c'est triste, mais c'est vraiment la réalité. J'aurais vraiment aimé penser ça, moi, Cédric. Ouais, il va falloir faire le deuil de cette pensée-là et de l'idée qu'on serait là-bas uniquement pour protéger les civils. D'ailleurs, il faut noter quand même qu'il y a quelque chose d'assez contradictoire dans le fait de vouloir protéger des civils à coups de bombe quand on sait le résultat que ça a, des bombardements massifs. Donc il y avait peut-être d'autres solutions si le but affiché était vraiment de défendre les populations civiles. Ouais, c'est sûr, mais ça serait quoi alors la vraie raison de l'intervention? Mais ça, c'est pas une question facile, évidemment, parce qu'on peut pas être dans la tête de ces dirigeants-là. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'analyser un petit peu la situation comme on peut et de se référer aussi aux expériences passées et de voir si on peut tirer des analogies ou des conclusions par rapport à ce qui a déjà été fait, par rapport au comportement qui caractérise nos États depuis très longtemps. Mais ici, on touche quand même à une des premières divergences qui est apparue dans les différentes analyses qui ont été faites, hein, surtout à gauche, de la situation en Libye. À ce niveau-là, je voulais d'abord préciser, et c'est assez intéressant, je trouve, qu'il y a une différence dans la façon dont on va appréhender le conflit, en fonction d'où on se trouve, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, pour citer des cas que moi je connais, mais je suppose que c'est un peu partout la même chose. Je m'explique, c'est par exemple, quand on regarde les médias en France, les médias dominants, traditionnels, on a l'impression, en les écoutant, que c'est Sarkozy qui a eu l'idée de la guerre, que c'est Sarkozy qui mène la guerre, que c'est son initiative, son intervention, et que c'est lui qui mène la danse, quoi. Et donc, forcément, les médias de gauche, dans ce contexte-là, face à cette réalité-là, ils ont tendance à attribuer les raisons de l'intervention à une manœuvre politicienne de Sarkozy qui chercherait à redorer son blason dans la région après son fiasco en Tunisie, et puis aussi qui chercherait à regagner des points dans les sondages dans un contexte national qui est difficile. On sait que Sarkozy est extrêmement bas dans les sondages à l'heure actuelle. À l'inverse, une opération charme pour l'électorat. Exactement. Donc c'est un peu ça qu'on dénonce beaucoup dans les médias alternatifs et critiques en France. À l'inverse, si on regarde les médias plus d'Amérique du Nord, donc que ce soit les États-Unis ou même ici au Québec, les médias un peu critiques, là on a plutôt tendance à présenter cette opération-là comme une opération des États-Unis, hein, donc c'est-à-dire une opération impérialiste classique des États-Unis qui, comme à chaque fois qu'ils attaqueraient un pays arabe, le font pour le pétrole. Donc ça, c'est la vision qu'on présente ici. Est-ce qu'il y a une de ces explications-là qui est vraie ou les deux sont fausses ou... Mais c'est qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est plutôt un petit peu des deux qui serait plutôt dans le vrai. En fait, c'est dire que ce sont les États-Unis qui veulent y aller juste pour le pétrole, mais c'est oublier un peu certains éléments. D'abord, les Américains étaient très loin d'être enthousiastes, hein, à l'idée d'intervenir en Libye. Il y a eu beaucoup de divergences au sein même de l'administration Obama sur l'idée d'y aller. Il faut le rappeler, et il y a une raison très simple à ça, c'est qu'ils sont déjà embourbés jusqu'aux oreilles en Afghanistan et en Irak, que ça leur coûte des sommes astronomiques. Et donc, quelques milliards, n'est-ce pas? Quelques milliards, quelques bagatelles, ouais. Donc ils n'étaient pas très chaud à l'idée de s'engager sur un nouveau front. D'autant plus qu'il faut rappeler que le pétrole libyen était déjà largement, et ça c'est très important de rappeler, largement aux mains des multinationales étrangères, dont les américaines. Depuis 2003, Kadhafi est revenu, il a opéré un retour en grâce dans la communauté internationale, donc il a ouvert ses champs pétroliers aux investissements étrangers, il a collaboré avec les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, il a même fait des déclarations où il soutenait implicitement la politique d'Israël, etc. Donc on est très loin du dirigeant anti-impérialiste et nationaliste et tiers-mondiste, etc., qu'il a pu être au début. Donc cette explication-là qui voudrait que les États-Unis aient envahi un pays qui s'oppose à eux pour s'emparer de son pétrole, c'est peu convaincant. Mais de la même manière, pour reprendre la version qui est un peu utilisée en France, croire que c'est un plan de Sarkozy fait par Sarkozy pour Sarkozy, c'est aussi très certainement accorder beaucoup trop d'importance au rôle que la France joue dans le monde, comme s'il avait pu convaincre tous les autres pays de le suivre strictement pour des raisons d'intérêt qui le regardent lui. Donc, ce qui est probable, après, ça c'est mon avis, et les auditeurs se feront leur, ce qui est probable, mais on ne saura évidemment jamais avec certitude, du moins pas tout de suite, il faut toujours attendre un petit peu pour voir ces raisons-là émerger, mais c'est que tous ces éléments-là ont joué un petit peu. Je pense que la vraie réponse, elle est là. Si on regarde un petit peu tous ces éléments-là, il y a une part de vérité là-dedans, et donc il faut peut-être essayer de les combiner. Noam Chomsky, qui est un intellectuel américain extrêmement influent, on l'a souvent cité ici dans l'émission, lui, il rappelle certains éléments qui sont intéressants, c'est que il dit d'accord, Kadhafi est revenu et a fait un retour en grâce, donc oui, maintenant il ne s'oppose plus vraiment aux intérêts de l'Occident ou de la communauté internationale, n'empêche que ça demeure un dictateur qui est profondément instable et imprévisible. Donc je l'ai rappelé, il est revenu dans les normes, on va dire, de la communauté internationale qu'en 2003. Il peut toujours retourner sa veste, c'est un dictateur très erratique, voilà. Ah, oui. Il a quand même soutenu le terrorisme dans les années 80 et 90, donc jusqu'à maintenant, on s'était accommodé finalement de son changement de cap, de son changement d'orientation. Mais avec la situation qui s'est développée dans le monde arabe, avec toutes les révolutions qui surgissent, etc., c'était peut-être une occasion ici de se débarrasser de ce dirigeant qui est profondément imprévisible et de s'assurer que son remplaçant soit plus docile, plus fiable et nous permette d'avoir un allié plus fiable dans la région. C'est aussi l'occasion de reprendre pied, et ça, il faut pas le nier, de reprendre pied dans une région qui était largement en train d'échapper au contrôle des Occidentaux. On ne sait pas trop ce qui va advenir en Tunisie, en Égypte, quels sont les régimes qui vont leur faire suite. L'attitude des Occidentaux a été fortement décriée, donc on risquait de perdre de l'influence. Donc là, en intervenant là-bas, soi-disant, pour soutenir le mouvement révolutionnaire, c'est une manière de l'accompagner, évidemment, et de s'assurer qu'il évolue dans un sens qui nous soit plus favorable. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est après ça, c'est différents éléments. On pourrait en ajouter d'autres, et j'invite vraiment nos auditeurs à pas spécialement se fier à ce que je raconte, mais à aller faire leur propre avis. Mais ce qui est très important quand on voit tout ça, c'est de varier évidemment ses sources d'informations au maximum pour être en mesure d'avoir suffisamment d'éléments pour se faire justement un avis informé. Et même les médias alternatifs sont pas à l'abri d'exagérations ou de biais, quoi. Alors, effectivement, c'est important aussi de, comme tu dis. Alors, avant de continuer là-dessus, on va écouter une pièce musicale. Alors, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après, toujours avec Cédric Le Terme, pour parler de la Libye. À tout de suite. Et ce sont les mêmes qui payent le prix. La guerre éclate car aucune roquette ne fait le tri, comme l'a fait en temps de pénurie. À l'abri ceux qui font les traits sur les cartes, ignore souci ethnique, résume-toi stratégie et technique. Say back ou grand discours sur les marches pour dénoncer les mauvais tyrans, érigé en modèle d'expression le régime du Shah d'Iran, disant adieu au dictateur chavirant, le comparant à Lénine, à Hitler, aux méthodes brutales de Staline, omettant volontairement se classer et à façonner les associés Noriega, Batista, Pinochet. Il faut croire pour leur secrétaire d'État, c'est plus cool de buter les gens dans les stades. La guerre c'est sale, ouais, y'a plus un seul arpent pour les braves. Est-ce légitime parce qu'on voit celle de liesse? Mais si c'est ton fils qui perd la vie sous le raz-de-marée des bombes US, les monstres plus 45, les mêmes connards qui mettent Algérie, Congo, la Côte d'Ivoire en parenthèse, le plus grand braquage de l'histoire. Et ils risquent même pas une heure de geôle, ils mentiront encore dans les livres d'école. La vérité fond comme fond la calotte d'épaule. Dans leur ville, les ghettos tombent sous l'assaut des armes et de l'alcool. Quelle prétention, croire que la démocratie les fait sauter de joie dans la rue. Mais dis-moi, quelle démocratie, celle qui donne ce choix entre la droite et la droite. Les tragédies frappent à l'hôpital, une balle entre le foie et la rate. Un petit gamin gît, et là dans son char, un djihad abruti au cuit proche de 20 jouis. faisant comme le monde fait, remercions vivement Bouchel, Amco, Edson, Powell pour leur bonté. Vu que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, paye le jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les vieux, quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Vu que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, paye le jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les vieux, quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. L'ignorance, c'est comme la science, ça n'a pas de bon. L'homme a tout perfectionné sur terre sauf les hommes. Il a dicté son autodestruction sans l'avoir signé. Pour l'avenir, je m'attends au pire, vu qu'on n'a rien assimilé. L'homme est comme Dieu l'a fait, et un peu pire. L'homme est le seul animal qui est détruit pour le plaisir. Faut le saisir, frère, qui nous veut du bien. Si on n'a pas le compte plein, le pantin, le bras long et un putain de valet dans le salon. Ces enfants mènent la planète par le bout du nez. Déboussolé, l'info de chaque pays nous mène à être bien isolés. D'autant que c'est le fric qui mène, y'a plus de cervelle saine. On dit ma scène, le peu d'humanité qui reste dans nos antennes. La télé c'est comme l'histoire, c'est amusant pas d'intéresser. Et quand on s'y intéresse, après c'est trop tard. L'onde alpha, c'est la plus grande drogue au monde. Une drogue de monde, son petit coin de paradis dans une vie monotone. Dès la page, cerveau par tonne, sans bouger à domicile. Où on voit des missiles qui tuent, mais qui font pas de mal. La guerre propre, je croyais que c'était un groupe de pop en tournée, bordel. Ils passaient devant des corps, gosses déchiquetés. À ce qui paraît, ça fait partie du quota poto. À cause de quelques paris, trop de monde est parti trop tôt. Ces lésions pourront plus jamais disparaître. La raison, elle, elle a pris un sale coup devant tant d'être. Quand on change, les peu de choses bougent. Chaque jour, on sait que le mal accouche. Caché sous les couches, paye jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les vieux. Quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Vu que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour, on sait que le mal accouche. Caché sous les couches, paye jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les vieux. Quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Vu que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour, on sait que le mal couche, caché sous les couches, paye jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les yeux. Quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Vu que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche. Caché sous les couches, paye jeu. Des flashs et du cash, paye les yeux. La peur de tout péché les yeux. Quand le mensonge devient si repeux. Les leurs abondés, on s'en carré, la pilule passe mieux. Alors, vous êtes toujours au grain de sable sur les ondes de CKRL. On discute de la guerre menée en Libye avec Cédric Leterme, qui nous explique un petit peu les débats qui l'entourent. Alors, Cédric, tu nous as parlé d'une première divergence qui est apparue au sein de la gauche dans les réactions face à la guerre en Libye. Donc, ça concernait les raisons de cette intervention. Bon, finalement, cette divergence-là, ben, elle est minime et c'est plus une différence de point de vue qu'autre chose, en tout cas. Mais le vrai débat qui divise, c'est la question de savoir si, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir sur une intervention de l'OTAN en Libye, est-ce que c'était quand même pas préférable d'y aller plutôt que de laisser Kadhafi perpétrer un bain de sang? Ben voilà, c'est vrai que ça, c'est la question qui effectivement divise profondément la gauche à l'heure actuelle au sujet de la Libye. Bon, comme je l'ai rappelé, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'une intervention occidentale et surtout menée par l'OTAN, c'est loin d'être l'idéal. Et qu'il faut en tout cas pas se leurrer et pas être naïf au point de croire que l'OTAN y va pour les bonnes raisons. Mais une fois que ça c'est dit, il y a quand même certaines personnes qui affirment que c'était quand même un moindre mal parce que Kadhafi était sur le point de commettre un massacre à Benghazi, c'est-à-dire la ville forte des insurgés. On sait qu'au début du soulèvement, les insurgés ont gagné comme ça beaucoup de terrain très vite, mais après ça s'est retourné. Kadhafi a commencé à regagner de ville en ville, et à un moment donné ils se sont retrouvés vraiment coincés à Benghazi, et donc la communauté internationale disait écoutez, ils sont sur le point d'abandonner, de perdre ce dernier point fort. S'ils perdent à ce moment-là, Kadhafi va perpétrer un véritable massacre. Donc il faut intervenir maintenant, c'est urgent. Donc les personnes qui utilisent cet argument-là, elles soulignent aussi le fait que ce sont les rebelles libyens eux-mêmes qui appelaient désespérément à la fin à cette intervention occidentale, même si au début ils n'étaient pas très chauds. Là, la situation était telle qu'ils l'appelaient vraiment avec insistance. Et donc d'après les personnes qui soutiennent cet argument-là, rester là à rien faire, en les regardant se faire massacrer au nom du pacifisme, au nom de l'anti-impérialisme, etc., ça aurait été inhumain et immoral. Donc l'urgence, c'était vraiment d'éviter un massacre à ce moment-là, peu importe comment. Et après, bon, il est toujours temps maintenant de s'opposer à ce que ça dérive en guerre d'occupation, ou à s'opposer à ce que l'OTAN reste là, etc. C'est sûr que c'est un argument qui a plein de bon sens, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Mais donc face à ça, il y a plusieurs contre-arguments qui ont été avancés. Je voudrais quand même souligner que c'est pas n'importe qui, hein, qui a soutenu ces thèses-là. C'est par exemple Serge Halimi du Monde Diplomatique, qui est rédacteur en chef, qui soutenait plus ou moins cet argument-là. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui a un va-t-en-guerre. Hein, il a critiqué beaucoup d'interventions, etc. Donc c'est pas une personne qui prend la guerre à la légère et qui peut être soupçonné de servir les desseins de l'OTAN. Pas du tout. Donc il faut aussi écouter ce que ces gens-là ont à dire, mais face à ça, il y a beaucoup de contre-arguments qui ont été opposés. Le premier consiste d'abord à mettre en doute l'imminence du massacre qui allait supposément être commis par Kadhafi à Benghazi. Donc il y a des gens comme Michel Collomb, par exemple, qui est un journaliste belge, qui a rappelé que toutes les grandes guerres menées par l'Occident ces dernières décennies ont systématiquement été justifiées par des mensonges énormes. On peut rappeler le cas du Vietnam, par exemple. Les Américains sont entrés en guerre au Vietnam sous le prétexte que deux de leurs bateaux avaient été attaqués par les Vietnamiens. Ça s'est révélé faux. On peut rappeler aussi un cas plus récent et peut-être encore plus frappant, c'est la guerre en Irak de 2003, hein, la deuxième, où on a prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive, donc il fallait absolument y aller. Ça s'est révélé complètement faux aussi. On pourrait multiplier les exemples. D'ailleurs, Michel Collomb le fait dans un article qu'il a signé. Et donc, il voit mal pourquoi cette fois-ci, ce serait pas le cas. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, on nous dirait la vérité et qu'il faudrait faire confiance aveuglément et justifier l'intervention? Qui peut dire avec certitude finalement ce qui se serait passé si on n'était pas intervenu? Personne. Si lui dit c'est un peu facile de dire par après, ben oui, il fallait intervenir, sinon il y aurait eu un massacre. Mais personne peut le certifier. Donc ça, c'est une première chose, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ensuite, ce qu'on peut entendre aussi comme autre argument, et pour moi ça c'est un argument qui a peut-être beaucoup plus de poids, c'est qu'il existait d'autres options qui n'ont pas été tentées. Et ça, Serge Halimi lui-même le reconnaît tout à fait, qu'il y avait d'autres voies possibles avant. Donc on n'a pas laissé, comme la négociation par exemple, on n'a pas du tout essayé de négocier avec Kadhafi, on n'a pas essayé de régler ça diplomatiquement. On sait qu'Hugo Chavez avait proposé une médiation entre les rebelles et Kadhafi, on a balayé ça d'un revers de la main, et donc on s'est précipité dans une intervention armée dont on sait qu'elle va faire des victimes civiles, d'ailleurs ça a déjà été le cas. Et sans laisser la place à la négociation. Donc on se demande un peu aussi pourquoi est-ce qu'il fallait absolument se précipiter comme ça. Enfin, les derniers arguments qu'on peut évoquer, et ça c'est ici une question peut-être plus de principe, qui rejoint un peu ce que je disais au niveau du droit d'ingérence humanitaire. Cet argument-là, il est soutenu par des gens comme Jean Bricmont, qui est lui un penseur belge, qui est proche de Noam Chomsky, qui a écrit un livre qui s'appelle L'impérialisme humanitaire. Donc il a beaucoup travaillé sur cette question-là, des dérives qui étaient liées au droit d'ingérence humanitaire. Et Jean Bricmont, lui, il estime qu'il faut jamais intervenir, en aucun cas, parce qu'on risque toujours de faire plus de tort que de bien quand on y va pour des mauvaises raisons, et que en plus, et là ça rejoint vraiment ce que je disais, si on cautionne ce genre d'intervention-là, ben ça ouvre la porte à toute une série d'abus, puisque comme j'expliquais avant, n'importe qui peut décider d'aller intervenir n'importe où, et pour les raisons qui veut, et alors on aboutirait à une situation de guerre généralisée. Pour revenir aussi à la situation de la Libye, Jean Bricmont, et bon, il n'est pas le seul à dire ça, il souligne aussi toute l'ambiguïté qu'il y a derrière les justifications d'intervention actuelles. C'est-à-dire que, à partir du moment où le supposé massacre qui allait être commis à Benghazi a été effectivement arrêté. D'accord, on est intervenu, on a arrêté. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Le scénario idéal qui a été envisagé, c'est on bombarde un petit peu pour faire reculer Kadhafi, pour refaire basculer le rapport de force en faveur des rebelles, et puis on espère que finalement ils gagnent par eux-mêmes. Sauf que c'est absolument pas ça qui est en train de se passer. Mais malheureusement, on peut le regretter, mais c'est la réalité. Kadhafi est beaucoup plus résistant que ce qu'on pensait. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Normalement, l'ONU n'autorise que des interventions pour protéger les civils. Est-ce qu'on va aller jusqu'à prendre parti dans la guerre civile, ce qui est déjà en train d'être le cas, hein. Donc on prend vraiment parti pour un des deux camps. Est-ce qu'on va intervenir au sol? Donc il y a vraiment un gros risque d'enlisement qui est bien réel et qui est en tout cas inquiétant, quoi. C'est vraiment une situation compliquée, hein, mais en conclusion, est-ce qu'il faut rejeter le principe même d'une intervention humanitaire, donc cette espèce de droit d'ingérence là? Oui. Ben c'est sûr que toute la question est là finalement, la question principe elle est là. Est-ce qu'on doit dire comme Jean Bricmont qu'il faut jamais intervenir, que c'est jamais justifié parce qu'on risque toujours de faire plus de tort que de mal, ou est-ce qu'on doit suivre plutôt quelqu'un comme Serge Halimi qui dit il y a des cas où il faut laisser de côté ces considérations-là et intervenir parce qu'il en va de la vie de population civile et qu'on se doit de faire quelque chose. C'est sûr que si on regarde l'histoire récente, la moindre des choses, c'est qu'on doit être extrêmement prudent et méfiant sur ce genre d'intervention, sur les raisons qui nous sont données. Si on regarde la plupart des cas où ce droit-là était invoqué, c'était de manière infondée, c'était vraiment pour des mauvaises raisons, et effectivement le résultat était pire. Après, moi, j'ai, bon, et là, c'est de nouveau vraiment un avis tout à fait personnel, et bon, chacun se fera le sien. Moi, j'ai un peu de mal à être aussi catégorique que Jean Bricmont, c'est-à-dire j'ai un peu de mal à dire à l'avance. Aucune situation ne justifiera jamais une intervention. Je trouve que ça, c'est peut-être aller un petit peu loin. Il me semble que c'est vraiment du cas par cas et que autant il faut vraiment faire attention et bien scruter la situation et surtout laisser la place à toutes les autres options que les militaires. Parfois, une intervention peut peut-être se justifier. Il suffit de penser à des situations extrêmes comme un génocide, comme celui qui a eu lieu au Rwanda, ou encore, c'est Chomsky aussi qui rappelait ça, le génocide qui avait lieu au Cambodge par les Khmer Rouges, et donc le Vietnam est intervenu pour l'arrêter. Et là, ça peut franchement être justifié, parce qu'il s'agit de millions de vies qui sont en jeu, quoi. Alors, merci Cédric, on va devoir s'arrêter là. Mais oui. Donc, merci de nous avoir parlé de la Libye et expliquer davantage ce qui se passe là-bas. Alors, quant à nous, on se retrouve tout de suite après un petit peu de publicité, et c'est pour la suite de l'émission, avec notre invité qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. À tout de suite! Que les amateurs de musique se réjouissent, l'événement La Folie des Bannes est de retour au Bal du Lézard. Tous les jeudis du 17 février au 28 avril, vous les verrez défiler sur la scène du Bal du Lézard. Et pour vous mettre en appétit, découvrez-les en entrevue d'avant-match à CKRL dans l'émission Change de disque. Coût d'entrée 6$. Un cadeau boréal vous sera remis à l'entrée, ainsi qu'un coupon pour participer au tirage d'un certificat cadeau de 25$ offert par Sillon le disquaire. Ne manquez pas, en avril, Shane Murphy le 7, Pika Feller et The Electro Gang le 14, Mauve le 21 et les Rockefeller le 29. La Folie des Bannes 2011, une initiative de Première Ovation et des productions Limoilou en vrac, présentée en collaboration avec CKRL, la Caisse Desjardins de Limoilou, monlimoilou.com, Boréal, l'Ampli de Québec, Sillon le Disquaire et le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Vous pourriez vivre vos rêves les plus fous. Parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est de 50 millions, plus les Max Millions, évalués à 23 lots additionnels de 1 million de dollars. Le mot que l'on perd, qui tombe entre les lignes. Après avoir charmé avec son spectacle Être, Brigitte Saint-Aubin revient au théâtre Petit Champlain, Maison de la Chanson, avec Les Rêves à l'envers. Redécouvrez ces deux albums sur scène dans un spectacle intime empreint d'un regard ludique et lucide sur la réalité. Être bien avant de naître, être dans la quête de connaître l'air que je suis. Brigitte Saint-Aubin, un spectacle ne manqué sous aucun prétexte, le 21 avril au Théâtre Petit Champlain, Maison de la Chanson. 88 692 2631. Monsieur William, au pays des merveilles, vous plantez des arbres, accrochez des bouteilles. Du 13 au 17 avril prochain, le 9e art s'affiche sous toutes ses formes dans la capitale à l'occasion du 24e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Expositions, rencontres, dessins en direct, animations et plus de 80 auteurs d'ici et d'ailleurs, une foule d'activités vous sont offertes dans divers lieux culturels de la ville. Découvrez toute la programmation et les auteurs participants au fbdfq.com et soyez des nôtres pour célébrer la BD en tout genre. Le terroir musical québécois est riche avec ses appellations hors de contrôle. Marc Baudet met de l'ordre dans tout ça. Des produits du terroir, samedi dès 19h au 89.1. CKRL 89.1. CKRL 89.1. Oui, bonjour. Alors, de retour au Grain de Sable, ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. On a le très grand plaisir de recevoir ici au Grain de Sable Sœur Marie-Bernard Alima, qui est secrétaire de la Commission Justice et Paix de la République démocratique du Congo. C'est un organisme partenaire de développement et paix. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un peu du contexte général actuel en République démocratique du Congo? Pour comprendre le contexte actuel de la République démocratique du Congo, je voudrais d'abord situer ce pays-là qui se trouve au cœur de l'Afrique et qui est extrêmement riche en minerais. Oui. Et qui, malheureusement, ce pays riche qui regorge de beaucoup de richesses, l'or, le diamant, le coltan, une grande forêt, Et malheureusement, une histoire assez douloureuse. Ah oui. Qui a connu l'esclavage, qui a connu un siècle de colonisation, et puis 32 ans de dictature qui se sont soldés avec des années de guerre, une quinzaine d'années de guerre, qui ont entraîné, aujourd'hui on estime à 5 millions de morts. 5 millions de morts, hein? Et faut le rappeler. 5 millions de morts, mais on dit toujours un génocide oublié. Et ces dernières années, pour mettre fin à ces atrocités, on a dû travailler pour qu'on organise des élections, en finir avec la crise de légitimité. Mais actuellement, 4 ans après ces élections, nous devons encore nous rendre pour consolider, aux urnes, pour consolider cette jeune démocratie. Oui. Mais malheureusement, en même temps que nous pensons consolider la jeune démocratie, il y a des atrocités qui continuent, surtout dans l'est de notre pays. Ah oui. Et là, on déplore surtout la militarisation de l'exploitation des ressources, parce que la région est du pays, c'est une région minière, mais c'est là qu'il y a la concentration des groupes armés, avec les graves violations des droits humains, particulièrement les violences faites aux femmes, l'enrôlement des enfants dans l'ouest du pays aussi. Il y a aussi d'autres problèmes liés toujours aux ressources, à l'instabilité politique. Donc, la situation de l'Est a des répercussions sur l'ensemble du pays et même le fonctionnement du pays. Ah oui. Donc, ce sont des situations assez difficiles qui nous poussent justement à avoir une approche assez globale, à ne plus nous limiter simplement à décrier les violences faites aux femmes, à ne plus nous limiter simplement à décrier la situation de pauvreté, mais aussi à comprendre le pourquoi de cette grande souffrance du peuple congolais. Mm-hmm. Donc, vous êtes un grand témoignage, je dirais, aujourd'hui, d'ici, en tout cas pour les gens du Québec, en tout cas qui nous écoutent. Puis c'est ça, je lisais comme selon l'ONU, il y a plus de 200 000 femmes qui auraient été violées donc en République démocratique du Congo, ça, depuis les années 1998. Oui, c'est ça, c'est la deuxième guerre. Au fait, on a connu la guerre, c'est la guerre la plus atroce. Mais je sais qu'on parle de 200 000 femmes. Il y en a qui avancent des chiffres qui dépassent 200 000 femmes. Mais la grande question pour moi, c'est assez douloureux. On peut parler des chiffres. Ça devient comme une publicité. Et ça devient, il y a des programmes qui sont développés parce qu'on a parlé des effectifs. Et ce qui est douloureux pour moi, c'est que la plupart de ces programmes, une fois qu'on annonce, même pour le Canada, quand on annonce qu'il y a 15 millions de dollars qu'on a mis dans le fonds commun pour lutter contre les violences sexuelles, en même temps qu'on annonce ces 15 millions, en même temps, on voit atterrir au Congo des experts qui viennent consommer plus de 80% de ces 15 millions. Et pour nous, pour moi personnellement, je trouve que ça, c'est se moquer de la souffrance des gens. On dirait que c'est quelque chose qui est orchestré, il faut avancer des chiffres, il faut dire que les gens souffrent pour mobiliser l'argent qui sera recyclé par tous ces groupes qui viennent consommer l'argent. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, je dis qu'il faut être à l'écoute de ce peuple-là, de ses priorités, tout à fait. Le prendre au sérieux. Oui, oui. Puis vous, c'est ça, votre organisation est associée à Développement et Paix? Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que nous travaillons avec Développement et Paix. Donc, quelles sont les principales problématiques sur lesquelles travaille votre organisation? Donc, ça s'appelle le Centre Justice et Paix, c'est bien oui, ça? Oui, la Commission Justice et Paix, c'est un service technique de la Conférence des évêques du Congo, des évêques catholiques du Congo. Il y a une commission nationale avec tout un staff d'une quinzaine de personnes. Il y a des commissions au niveau diocésain. Nous avons 47 commissions diocésaines et nous avons plus de 1470 commissions paroissiales, justice et paix. Et au niveau de chaque paroisse, nous avons mis en place des structures de participation citoyenne. Okay, On a plus de 2500 comités locaux de gouvernance participative. Donc, les gens de la place. Les gens de la place qui s'organisent, qui essaient de réfléchir autour des problèmes d'intérêt commun et qui essaient d'agir. C'est un peu ça qui constitue le réseau de la Commission Justice et Paix en RD Congo. Et c'est ce réseau-là, avec ce réseau, que nous travaillons, que nous mettons en place des programmes qui sont particulièrement appuyés par Développement IP. Mm-hmm. Pour revenir un peu à la, maintenant, à, au programme que nous réalisons avec Développement IP. Oui, oui. Développement IP nous aide beaucoup. Et j'apprécie beaucoup son approche parce que c'est une approche qui respecte le peuple congolais, qui n'impose pas ses idées, sa vision, mais qui accompagne. Mm-hmm. Nous avons nous-mêmes compris que dans le processus de paix, les femmes sont doublement victimes. Mmh. Elles sont doublement victimes, mais elles ne sont pas impliquées dans le processus de paix pour la gestion de conflits où on ne prend pas en compte leurs propositions, leurs visions dans les lieux où se prennent les décisions. C'était peut-être parce qu'elles ne sont pas suffisamment formées. Et alors là, nous avons initié une formation de femmes leaders pour la paix. Ah bon? Et ça, cette formation a été appuyée par Développement IP. Nous avons un programme, un vaste programme d'éducation civique électorale. Mm-hmm. Parce que si on a un peuple qui n'est pas formé, c'est un peuple qui est dans l'ignorance. C'est un peuple qui est vraiment condamné à mourir dans sa pauvreté. Donc, l'ignorance tue. Oui, l'éducation. Donc, dans le fond, il y a l'emphase sur l'éducation. Voilà. Mm. Nous avons aussi un programme de lutte contre la corruption. Par le civisme fiscal, nous avons aussi un programme assez ambitieux sur la réconciliation communautaire, la reconstruction et la relance des activités économiques. Et wow. Ce sont des programmes, des initiatives qui sont assez importantes, très importantes, parce qu'elles impliquent la participation des citoyens, les responsabilise pour qu'ils prennent en main leur destin. Nous avons aussi un programme sur la gestion des ressources naturelles. On pourra toujours y revenir pour voir un peu le contenu, comment nous arrivons à réaliser ce programme. Et surtout pour le programme par rapport à la réconciliation, il y a toute une bande dessinée dont la présentation a eu lieu hier. Et donc, il y a le 6. À Montréal, je crois que c'est une bande dessinée qui décrit un peu cette démarche que nous avons adoptée pour mettre la population ensemble, surtout les femmes, mm-hmm. les mobiliser pour leur dire, c'est vrai que ce qu'on a subi, c'est un traumatisme qui est à la fois individuel, mais il est aussi communautaire. Et donc, il faut que les femmes prennent en main la responsabilité en tant que pilier de la société, porteuse des valeurs, de la tradition et de la culture, et pilier même de la famille, de la vie économique, qu'elles prennent la responsabilité de convoquer les hommes, leurs partenaires, leurs enfants, pour reprendre la vie. Alors, ce rallyement, c'est un programme important qui est décrit dans cette bande dessinée. Oh wow, alors, ce rallyement, merci beaucoup. On s'arrête un court instant, donc on va reparler de ce rôle important des femmes chez vous dans quelques instants. On va prendre une courte pause musicale. Alors, on revient tout de suite après, donc pour la suite de notre entretien sur la République démocratique du Congo. Ils ont créé la coopération pour maintenir cette situation. Ils ont créé la mondialisation et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylone qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre. Chez nos bradards, ils ne nous respectent pas. C'est la même chose pour leur loi. Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits. Ils ne fantasment surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sistas qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. Des généraux aux commandes, on en veut plus. Des sans-fonds militaires, on veut plus. Des orphelins de guerre, on en veut plus. On en a marre, l'Afrique en a marre, marre. On en a marre, le peuple en a marre, marre. L'Afrique en a marre, ces machinations. Mon peuple en a marre, ces manipulations. L'Afrique en a marre, ces exploitations. Alors, de retour au Grain de Sable sur CKRL jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. Alors, j'étais en train de discuter avec Sœur Halima, donc qui nous vient tout droit de la République démocratique du Congo et qui est secrétaire de la Commission Justice et Paix, donc un organisme partenaire de développement et paix. C'est ça, je voulais vous... Donc, c'est ça. Quel a été aussi votre rôle au niveau des élections, puis la citoyenneté, puis vous parliez aussi donc du programme que vous avez fait donc pour les femmes là-bas, qui a été présenté hier à Montréal, c'est bien ça? Merci beaucoup. Je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que le programme que nous développons, nous réalisons grâce à l'appui de développement EP, ne concerne pas seulement l'Église catholique avec ses commissions justice et paix. Mm-hmm. Je vous ai situé pour comprendre c'est quoi la commission justice et paix, quel est son réseau, mais c'est une commission qui a dans sa vocation l'approche un peu interconfessionnelle. Nous travaillons avec d'autres confessions religieuses. D'accord. Nous travaillons avec d'autres organisations de la société civile. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Même si la société vient de la société globale. Et ça, c'est le plus important. Mm-hmm. Parce que travailler pour la paix, ça implique créer des relations. Oui, oui. Ça implique une mobilisation communautaire. Et là, c'est la grandeur et même l'importance de ce travail que nous faisons. Ah, qui oui. n'est pas le travail des religieuses, des prêtres, mmh. mais le renforcement des capacités des laïcs, du peuple congolais pour qu'ils prennent en main ses responsabilités. Nous avons réalisé alors dans ce cadre-là, avec cet ensemble, ce vaste programme d'éducation civique électorale. Ce programme a été réalisé dans un contexte où le peuple n'était pas préparé, c'est-à-dire qui venait de la dictature, et aussi dans un système où on avait un système spécial d'un président et quatre vice-présidents, donc il n'y avait aucune volonté politique manifeste d'en finir avec le système, mm-hmm. et c'est tout qui venait de la guerre. C'est dans ce contexte-là que la commission a commencé à travailler avec justice, avec développement et paix, en réalisant un vaste programme d'éducation civique électorale. Et ça remonte combien d'années? Ça remonte de 4 ans. 4 ans, c'est ça. Donc, de 4 ans. Maintenant, c'est la 5e année. On va encore mm-hmm. nous rendre aux élections pour consolider cette jeune démocratie. Oui, oui. Mais lors des premières élections, on a formé plus de 100 000 animateurs locaux. Nous avons déployé plus de 50 000 observateurs et nous croyons que les résultats a été positive parce que le peuple s'est comporté avec beaucoup de dignité, de responsabilité. Comment vous l'avez vu, vous l'avez senti, vécu? Non seulement on l'a senti, mais nous l'avons vécu parce que ça s'est passé dans la paix. Mm-hmm. Avec beaucoup de dignité. Depuis quatre dernières années? Alors, depuis les quatre dernières années, le peuple, lui, comme peuple, la guerre au Congo, c'est là que ça va m'amener un peu à parler aussi d'autres problèmes par rapport aux ressources naturelles. Oui, entre autres, c'est ça, il y a quand même beaucoup de compagnies minières au Congo. Vous avez beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Il y a des compagnies minières canadiennes, donc je le rappelle, population. Oui, il y a beaucoup de compagnies canadiennes. C'est quoi l'impact de ces compagnies-là, là-bas? Il y a ceci. Dans notre pays, nous avons la zone Est, la région Est. Oui. Dans cette région-là, il y a le coltan. Mm-hmm. Vous savez, le coltan, c'est ce qu'on utilise. Donc, qu'est-ce que c'est? Le coltan, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les téléphones mobiles, les cellulaires. Oui, OK. J'en ai un. Voilà. Dans ce coltan-là, dans ce téléphone que vous avez, il y a le coltan qui vient du Congo. Mm-hmm. Le Congo fournit 80% du coltan au niveau mondial. OK. Donc, c'est un métal. Mais là, c'est... Oui. Et ça s'utilise pour les téléphones cellulaires, pour les ordinateurs, pour tous les moyens de communication. Mais dans ces zones-là, il y a la militarisation de l'exploitation de ressources. Mm-hmm. Les compagnies minières arment les milices. Une milice locale? Pour que ces milices locales puissent garder leur terrain, exploiter pour eux à moindre frais. Parce qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y en a qui manifestent pour que qui veulent comme que les milices s'en aillent ou non? Concrètement? Concrètement, les compagnies qui travaillent comme des pêcheurs en eau trouble n'ont pas intérêt à ce que les milices s'en aillent. Au contraire, ils créent des milices. Mm-hmm. Ils arment les milices. Donc les compagnies arment les milices. Arment les milices. Créent des milices. Ils imposent les prix. Mm. Et donc là, ils gagnent à plus de 100%. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Il y a 3 ans, nous étions de passage ici pour demander à ce qu'on puisse organiser une conférence internationale sur l'exploitation pacifique des ressources de l'air de Congo. Ça semble étrange. Oui, oui. Exploitation pacifique. Parce que l'exploitation... Qui se vit au Congo, qui se fait au Congo, c'est une exploitation conflictuelle. Et alors, on a voulu voir à visage découvert qui est l'interlocuteur, qui exploite chez nous, mm-hmm. et comment mettre en place des cadres juridiques assez contraignants pour qu'ils respectent les droits humains, qu'ils respectent que ça se fasse dans le droit. Parce qu'actuellement, ça n'est pas fait dans le droit. Ça ne se fait pas dans le droit. C'est illégalement. Et alors, ce qui nous a convaincus qu'effectivement ces compagnies minières ne respectent pas les droits, c'est qu'après la guerre, ce sont les Nations Unies qui ont demandé à ce que les contrats signés pendant la guerre soient révisités. Et tous les contrats révisités, y compris le contrat des entreprises canadiennes ici, étaient tous des contrats illégaux, ce que nous appelons les contrats léonins. OK, les contrats léonins, donc les contrats illégaux. C'est dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. Okay. Et dont le pays n'a pas bénéficié, n'a rien bénéficié. Ah, donc tout au l'argent contraire, est... tout l'argent a été pris par les compagnies étrangères ou soit et signé dans une corruption impossible. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça qu'on a dit. Il y a certaines personnes chez vous qui ont certaines personnes, il y a l'implication, effectivement. Mais les employés, ceux qui vont extraire le minerai, eux, est-ce qu'ils reçoivent quand même un bon salaire? Mais quels employés? Ce sont des esclaves. Ah. Mm-hmm. Mais qui sont ces employés? Par exemple, dans la partie Est, il n'y a pas une entreprise que vous voyez visiblement. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a vraiment encouragé la tenue d'une conférence pour qu'on voit l'interlocuteur. On ne les voit pas. Non, non. Et c'est ce que je vous dis, il y a des groupes de milices qui sont créés. Et ce qui rend douloureux. Alors, ces milices qui sont créées, qui sont armées, ce sont ces milices qui perpétuent ces violences. Et je me dis aujourd'hui, si on acceptait aujourd'hui de parler du génocide silencieux de la femme congolaise à cause de ces viols, je crois qu'en remontant un peu la filière, on allait retrouver aussi les compagnies minières. Parce que quand on remonte la filière, on peut voir qui arme qui fait quoi. La complicité de tout ce monde-là, mm-hmm. il y a plusieurs génocidaires qu'on retrouverait au niveau international. Alors, c'est une situation bien complexe. Alors, donc, c'est complexe et c'est pour ça que nous avons effectivement besoin que le gouvernement canadien, si au nom de l'humanité, accepte de mettre en place des cadres de loi, une loi qui contraint les compagnies minières canadiennes qui vont au Congo, que ces compagnies puissent déclarer effectivement ce qu'elles payent au gouvernement, que ces compagnies effectivement puissent faire la traçabilité et prouver que les minerais qui viennent ici ne sont pas des minerais de sang, ne proviennent pas des zones à conflit. Comme ça, nous allons transformer ces richesses en occasion de solidarité, de développement, et pour le Congo, et pour le Canada, par les compagnies minières. C'est pas seulement le Congo, on peut exploiter, au Congo, on peut exploiter et transformer comme une jungle, simplement, on n'a pas besoin de droits. Nous sommes aussi des humains, et on veut partager cette humanité avec tout le monde. Alors, mais merci, Sœur Alima, là, pour ce témoignage très troublant et très émouvant. Et j'espère que certains de nos dirigeants vont pouvoir entendre votre appel. Et c'est ça, je profite de l'occasion qu'il y avait quand même un projet de loi qui avait été soutenu par Développement et Paix, mais malheureusement qui n'a pas été accepté. Alors on espère qu'un jour ce projet de loi va finir par être accepté, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'avoir été de passage au Grain de Sable. Alors, chers auditeurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, j'en profite pour remercier donc Jeanne Gutiérrez qui était à la mise en onde ce soir. Alors, Cédric Leterme également, donc qui réalise et fait ses superbes chroniques. Et je vous remercie à nouveau, Madame Sœur Alima. Donc, je vous rappelle qu'il venait de la République démocratique du Congo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, prochain vendredi soir. Alors, je vous rappelle aussi que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL, également celui de l'Attaque Québec. En plus de, donc, c'est ça, vous pouvez avoir toutes les informations là-bas pour devenir membre et nous soutenir dans nos actions. Et vous pouvez également nous écrire au legraindesable@hotmail.com. Donc, d'ici là, restez bien branchés. Puis, je vous invite aussi, le 16 avril, souvenez-vous que c'est la journée de commémoration des 10 ans du Sommet des Amériques. Donc, vous allez avoir toutes les activités sur le site www.réseauforum.com. Donc, vous pouvez taper sur Réseau Forum sur Google. Alors, vous avez été en compagnie de Valérie Blouin et je vous souhaite de passer une excellente semaine et fin de semaine. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi avec 100% Dynamite. Alors, après ces quelques publicités, toujours sur les ondes CKRL, restez avec nous. Alors, à bientôt!